La cité de Dieu de saint Augustin, livre 16e, de Noé à David, édition Charpentier 1855, tome 3e, traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 7. Comment, depuis le déluge, toutes sortes de bêtes ont pu peupler les îles les plus éloignées. On demande comment les bêtes qui ne naissent pas de la terre ainsi que les grenouilles, mais par accouplement, comme les loups et autres animaux, ont pu se trouver dans les îles après le déluge, à moins qu'elles ne soient provenues de celles qui avaient été sauvées dans l'arche. Pour les îles qui sont proches, on peut croire qu'elles y ont passé à la nage, mais il y en a qui sont si éloignés du continent qu'il n'est pas probable qu'aucun de ces animaux ait pu y arriver de la sorte. On peut répondre à cela que les hommes les y ont transportés sur leurs vaisseaux pour les faire servir à la chasse, et enfin que Dieu même a fort bien pu les y transporter par le ministère des anges. Que, si elles sont sorties de la terre, comme à la création du monde, quand Dieu dit, que la terre produise une âme vivante, Genèse 1, 24, cela fait voir clairement que des animaux de tout genre ont été mis dans l'arche, moins pour en réparer l'espèce que pour être une figure de l'Église qui devait être composée de toutes sortes de nations. Note. Ici, comme plus haut, saint Augustin paraît favorable aux générations spontanées. Voyez livre 15. Chapitre 8. Chapitre 8. Si les races d'hommes, monstrueux dont parle l'histoire viennent d'Adam ou des fils de Noé. On demande encore s'il est croyable qu'ils soient sortis d'Adam ou de Noé certaines races d'hommes, monstrueux dont l'histoire fait mention. On assure, en effet, que quelques-uns n'ont qu'un œil au milieu du front, que d'autres ont la pointe du pied tournée en dedans, d'autres possèdent les deux sexes dont ils se servent alternativement, et ils ont la mamelle droite d'un homme et la gauche d'une femme. Il y en a qui n'ont point de bouche et ne vivent que de l'air qu'ils respirent par le nez. D'autres n'ont qu'une coudée de haut, d'où vient que les Grecs les nomment pygmées. De pygmées, coudées. On dit encore qu'en certaines contrées il y a des femmes qui deviennent mères à 5 ans et qui n'en vivent que 8. D'autres affirment qu'il y a des peuples d'une merveilleuse vitesse qui n'ont qu'une jambe sur deux pieds et ne plient point le jarret, on les appelle cyopodes, de skia, ombre, et pouce, podos, pied, parce que l'été ils se couchent sur le dos et se défendent du soleil avec la plante de leurs pieds. D'autres n'ont point de tête et ont les yeux aux épaules, et ainsi d'une infinité d'autres monstres de la sorte, retracés en mosaïque sur le port de Carthage et qu'on prétend avoir été tirés d'une histoire fort curieuse. Que dirais-je des cynocéphales? De Cuon, Cunos, chien, et Céphale, tête, dont la tête de chien et les aboiements montrent que ce sont plutôt des bêtes que des hommes. Mais nous ne sommes pas obligés de croire tout cela. Quoi qu'il en soit, quelque part et de quelque figure que naisse un homme, c'est-à-dire un animal raisonnable et mortel, il ne faut point douter qu'il ne tire son origine d'Adam, comme du père de tous les hommes. La raison que l'on rend des enfantements monstrueux qui arrivent parmi nous peut servir pour des nations tout entières. Dieu, qui est le créateur de toutes choses, sait en quel temps et en quel lieu une chose doit être créée, parce qu'il sait quelles sont entre les parties de l'univers les rapports d'analogie et de contraste qui contribuent à sa beauté. Mais nous qui ne le saurions voir tout entier, nous sommes quelquefois choqués de quelques-unes de ces parties, par cela seul que nous ignorons quelles proportions elles ont avec tout le reste. Nous connaissons des hommes, qui ont plus de 5 doigts aux mains et aux pieds, mais encore que la raison nous en soit inconnue, loin de nous l'idée que le Créateur se soit mépris. Il en est de même des autres différences plus considérables. Celui dont personne ne peut justement blâmer les ouvrages, c'est pour quelle raison il les a fait de la sorte. Il existe un homme à Hippone Diarite, qui a la plante des pieds en forme de croissant, avec deux doigts seulement aux extrémités, et les mains de même. S'il y avait quelques nations entières de la sorte, on l'ajouterait à cette histoire curieuse et surprenante. Dirons-nous donc que cet homme ne tire pas son origine d'Adam ? Les androgynes, qu'on appelle aussi hermaphrodites, sont rares, et néanmoins il en paraît de temps en temps en qui les deux sexes sont si bien distingués qu'il est difficile de décider duquel ils doivent prendre le nom, bien que l'usage ait prévalu en faveur du plus noble. Il naquit en Orient, il y a quelques années, un homme double de la ceinture en haut, il avait deux têtes, deux estomacs et quatre mains, un seul ventre d'ailleurs et deux pieds, comme un homme d'ordinaire, et il vécut assez longtemps pour être revu de plusieurs personnes qui accoururent à la nouveauté de ce spectacle. Comme on ne peut pas nier que ces individus ne tirent leur origine d'Adam, il faut en dire autant des peuples entiers en qui la nature s'éloigne de son cours ordinaire, et qui néanmoins sont des créatures raisonnables, si, après tout, ce qu'on en rapporte n'est point fabuleux. Car supposez que nous ignorassions que les singes, les cercopithèques, et les sphinx sont des bêtes, ces historiens nous feraient peut-être croire que ce sont des nations d'hommes. Mais en admettant que ce qu'on lit des peuples en question soit véritable, qui sait si Dieu n'a point voulu les créer ainsi, afin que nous ne croyions pas que les monstres qui naissent parmi nous soient des défaillances de sa sagesse? Les monstres dans chaque espèce seraient alors ce que sont les races monstrueuses dans le genre humain. Ainsi, pour conclure avec prudence et circonspection, ou ce que l'on raconte de ces nations est faux, ou ce ne sont pas des hommes, ou, si ce sont des hommes, ils viennent d'Adam. Note du traducteur, il y avait deux Hippones en Afrique, Hippone la royale, d'où la bonne actuelle tire son nom, et Hippone Diarite en arabe Benzert, d'où est venu le nom de Bicerte. C'est Hippone la royale qui a eu pour évêque saint Augustin. Note du traducteur, il est intéressant de rapprocher ici la cité de Dieu et le discours sur les révolutions du globe. Le bon sens de saint Augustin semble aller quelquefois au-devant de la science de Cuvier. L'illustre naturaliste se défie de ces espèces monstrueuses qu'on suppose perdues aujourd'hui. C'est, dit-il, une erreur qui vient d'une critique imparfaite. On a pris des peintures d'animaux fantastiques pour des descriptions d'animaux réels. C'est dans quelques recoins d'un de ces monuments, les monuments d'Égypte, ornés de peintures, qu'Agatharchidor a vu son taureau carnivore, dont la gueule, fendue jusqu'aux oreilles, n'épargnait aucun autre animal, mais qu'assurément les naturalistes n'avoueront pas, car la nature ne combine ni des pieds fourchus, ni des cornes, avec des dents tranchantes. D'autres fois, selon Cuvier, on se sera trompé à quelques ressemblances. Les grands singes auront paru de vrais cynocéphales, de vrais sphinx, de vrais hommes, à queue, et c'est ainsi que saint Augustin aura cru voir un satyre. Chapitre 9. S'il y a des antipodes. Quant à leur fabuleuse opinion qu'il y a des antipodes, c'est-à-dire des hommes, dont les pieds sont opposés aux nôtres et qui habitent cette partie de la terre où le soleil se lève quand il se couche pour nous, il n'y a aucune raison d'y croire. Aussi ne l'avance-t-il sur le rapport d'aucun témoignage historique, mais sur des conjectures et des raisonnements, parce que, disent-ils, la terre étant ronde, est suspendue entre les deux côtés de la voûte céleste. La partie qui est sous nos pieds, placée dans les mêmes conditions de température, ne peut pas être sans habitants. Mais quand on montrerait que la Terre est ronde, il ne s'ensuivrait pas que la partie qui nous est opposée ne fût point couverte d'eau. D'ailleurs, ne le serait-elle pas, qu'elle nécessite qu'elle fût habitée, puisque, d'un côté, l'Écriture ne peut mentir, et que, de l'autre, il y a trop d'absurdité à dire que les hommes aient traversé une si vaste étendue de mer pour aller peupler cette autre partie du monde. Voyons donc si nous pourrons trouver la cité de Dieu parmi ces hommes, qui, selon la Genèse, furent divisés en 72 nations et autant de langues. Il est évident qu'elle a persévéré dans les enfants de Noé, surtout dans l'aîné, qui est Sem, puisque la bénédiction de Japhet enferme en quelque sorte celle de Sem, et qu'il doit habiter dans les demeures de ses frères. Note. On remarquera que saint Augustin s'ennuie d'une manière absolue la possibilité physique des antipodes, se borne à élever une difficulté très sérieuse en elle-même et particulièrement délicate pour un chrétien. Celle de concilier les données de la géographie avec l'unité des races humaines. Lactance s'était montré beaucoup moins réservé, quand il traitait d'inepte la conception d'une terre ronde et d'hommes, ayant la tête plus bas que les pieds. Est-ce par ces puissantes raisons que le pape Zacharie accusa la théorie des antipodes de perversité et d'iniquité? Je ne sais. Mais la postérité a dit avec Pascal, ne vous imaginez pas que les lettres du pape Zacharie pour l'excommunication de saint Virgile, sur ce qu'il tenait qu'il y avait des antipodes, aient anéanti ce nouveau monde, et qu'encore qu'il eût déclaré que cette opinion était une erreur bien dangereuse, le roi d'Espagne ne se soit pas bien trouvé d'en avoir plutôt cru Christophe Colomb, qui en revenait, que le jugement de ce pape qui n'y avait pas été. Chapitre 10. Généalogie de Sem, dans la race de qui le progrès de la cité de Dieu se dirige vers Abraham. Il faut donc prendre la suite des générations depuis Sem, afin de faire voir la cité de Dieu à partir du déluge, comme la suite des générations de cette l'a montré auparavant. C'est pour cela que l'Écriture, après avoir montré la cité de la terre dans Babylone, c'est-à-dire dans la confusion, retourne au patriarche Sem, et commence par lui l'ordre des générations jusqu'à Abraham, marquant combien chacun a vécu, avant que d'engendrer celui qui continue cette généalogie, et combien il a vécu depuis. Mais il faut, en passant, que je m'acquitte de ma promesse, et que je rende raison de ce que dit l'Écriture, que l'un des enfants d'Héber fut nommé Phalec, ou Péleg. Parce que la terre fut divisée de son temps. Genèse 10, 25. Que doit-on entendre par cette division, si ce n'est la diversité des langues? L'Écriture, laissant de côté les autres enfants de Sem, qui ne contribue en rien à la suite des générations, parle seulement de ceux qui la conduisent jusqu'à Abraham, ce qu'elle avait déjà fait avant le déluge dans la généalogie de Seth. Voici comme elle commence celle de Sem. Sem, fils de Noé, avait 100 ans lorsqu'il engendra Arphaxad, la seconde année après le déluge, et il vécut, encore depuis 500 ans, et engendra des fils et des filles. Genèse 11, 10, 11. Elle poursuit de même pour les autres avec le soin d'indiquer l'année où chacun a engendré celui qui sert à cette généalogie, et la durée totale de sa vie, et elle ajoute toujours qu'il a eu d'autres enfants, afin que nous n'allions pas demander sottement comment la postérité de Sem a pu peupler tant de régions, et fonder ce puissant empire des Assyriens que Ninus étendit si loin. Mais, pour ne pas nous arrêter plus qu'il ne convient, nous ne marquerons que l'âge auquel chacun des descendants de Sem a eu le fils, qui continue la suite de cette généalogie, afin de supputer combien d'années se sont écoulées depuis le déluge jusqu'à Abraham. 2 ans donc après le déluge, Sem, âgé de 100 ans, engendra Arphaxad, Arphaxad engendra Cainan à l'âge de 135 ans. Cainan avait 130 ans quand il engendra Salé. Salé en avait autant lorsqu'il engendra Héber. Héber 134 lorsqu'il engendra Rago. Rago 132 quand il engendra Seruc. Seruc 130 quand il eut Nacor. Nacor 79 à la naissance de son fils Taré, Térakh. Et Taré, à l'âge de 70 ans, engendra Abraham, Genèse 11, 10 à 26, que Dieu appela depuis Abraham, Genèse 17, 5. Ainsi, depuis le déluge jusqu'à Abraham, il y a 1072 ans, selon les 70, car on dit qu'il y en a beaucoup moins, selon l'hébreu, ce dont on ne rend aucune raison bien claire. Lors donc que nous cherchons la cité de Dieu dans ces 72 nations dont parle l'Écriture, nous ne saurions affirmer positivement si dès ce temps, où les hommes ne parlaient tous qu'un même langage, Genèse 11, 1, ils abandonnèrent le culte du vrai Dieu, de telle sorte que la vraie piété ne se soit conservée que dans les descendants de Sem par Arphaxad jusqu'à Abraham, ou bien si la cité de la terre ne commença qu'à la construction de la tour de Babel. Ou plutôt si les deux cités subsistèrent, celle de Dieu dans les deux fils de Noé, qui furent bénis dans leur personne et dans leur race, et celle de la terre, dans le fils qui fut maudit ainsi que sa postérité. Peut-être est-il plus vraisemblable qu'avant la fondation de Babylone il y avait des idolâtres dans la postérité de Sem et de Japhet, et des adorateurs du vrai Dieu dans celle de Cham. Au moins devons-nous croire qu'il y a toujours eu sur la terre des hommes, de l'une et de l'autre sorte. Dans les deux psaumes 13 et 52, où il est dit, « Tous ont quitté le droit chemin et se sont corrompus. Il n'y en a pas un qui soit homme, de bien. Il n'y en a pas un seul. » On lit ensuite, « Ces impies, qui ne font que du mal et qui dévorent mon peuple comme ils feraient un morceau de pain, ne se reconnaîtront-ils jamais ?» Le peuple de Dieu était donc alors, et ainsi ses paroles, « Il n'y en a pas un qui soit homme, de bien. Il n'y en a pas un seul. » doivent s'entendre des enfants des hommes, et non de ceux de Dieu. Le prophète avait dit auparavant, Dieu a jeté les yeux du haut du ciel sur les enfants des hommes, pour voir s'il y en a quelqu'un qui le connaisse et qui le cherche. Après quoi il ajoute, il n'y en a pas un qui soit homme de bien, pour montrer qu'il ne parle que des enfants des hommes, c'est-à-dire de ceux qui appartiennent à la cité qui vit selon l'homme, et non selon Dieu. Chapitre 11. La langue hébraïque, qui était celle dont tous les hommes se servaient d'abord, se conserva dans la postérité d'Héber, après la confusion des langues. De même que l'existence d'une seule langue avant le déluge n'empêcha pas qu'il n'y eût des méchants et que tous les hommes n'encourussent la peine d'être exterminés par les eaux, à la réserve de la maison de Noé. Ainsi, lorsque les nations furent punies par la diversité des langues, à cause de leur orgueil impie, et répandue par toute la terre, et que la cité des méchants fut appelée Confusion ou Babylone, la langue dont tous les hommes se servaient auparavant demeura dans la maison d'Héber. De là vient, comme je l'ai remarqué ci-dessus, que l'Écriture, dans le dénombrement des enfants de Sem, met Héber le premier, quoiqu'il ne soit que le cinquième de ses descendants. Comme cette langue demeura dans sa famille, tandis que les autres nations furent divisées suivant les temps, cela fut depuis appelée hébraïque. Il fallait bien en effet lui donner un nom pour la distinguer de toutes les autres qui avaient aussi chacune le sien, au lieu que, quand elle était seule, elle n'avait point de nom particulier. On dira peut-être, si la terre fut divisée en plusieurs langues du temps de Falek, fils d'Héber, celle de ces langues qui étaient auparavant communes à tous les hommes, devait plutôt prendre son nom de Falek. Mais il faut répondre qu'Héber n'appela son fils Falek, c'est-à-dire division, que parce qu'il vint au monde lorsque la terre fut divisée par langues, et que c'est ce qu'entend l'Écriture, quand elle dit, la terre fut divisée de son temps. Genèse 10, 25. Si Héber n'eût encore été vivant lors de cette division, il n'eût pas donné son nom à la langue qui demeura dans sa famille. Ce qui nous porte à croire que cette langue est celle qui était d'abord commune à tous les hommes, c'est que le changement et la multiplication des langues ont été une peine du péché. Et partant que le peuple de Dieu a dû être exempt de cette peine. Aussi n'est-ce pas sans raison que cette langue a été celle d'Abraham, et qu'il ne l'a pu transmettre à tous ses enfants, mais seulement à ceux qui, issus de Jacob, ont composé le peuple de Dieu, reçu son alliance, et mis au monde le Christ. Héber lui-même n'a pas fait passer cette langue à toute sa postérité, mais seulement à la branche d'Abraham. Ainsi, bien que l'Écriture ne marque pas précisément qu'il y eut des gens de bien, lorsque les méchants bâtissaient Babylone, cette obscurité n'est pas tant pour nous priver de la vérité que pour exercer notre attention. Lorsqu'on voit, d'un côté, qu'il existe d'abord une langue commune à tous les hommes, qu'il ait fait mention d'Héber avant tous les autres enfants de Sem, encore qu'il n'était que le cinquième de ses descendants, et que la langue des patriarches, des prophètes et de l'Écriture même est appelée langue hébraïque, et lorsqu'on demande, de l'autre côté, où cette langue, qui était commune avant la division des langues, s'est pu conserver. Comme il n'est point douteux d'ailleurs que ceux parmi lesquels elle s'est conservée n'aient été exempts de la peine du changement des langues, que se présente-t-il à l'esprit, sinon qu'elle est demeurée dans la famille de celui dont elle a pris le nom, et que ce n'est pas une petite preuve de la vertu de cette famille d'avoir été à couvert de cette punition générale? Mais il se présente encore une autre difficulté. Comment Héber et Falek son fils ont-ils pu chacun faire une nation? Il est certain au fond que le peuple hébreu est descendu d'Héber par Abraham. Comment donc tous les enfants des trois fils de Noé, dont parle l'Écriture, ont-ils établi chacun une nation, si Héber et Falek n'en ont fait qu'une? Il est fort probable que Nébrot ait fondé aussi sa nation, et que l'Écriture a fait mention à part de ce personnage, à cause de sa stature extraordinaire et de la vaste étendue de son empire, de sorte que le nombre des 72 langues ou nations demeure toujours. Quant à Falek, elle n'en parle pas pour avoir donné naissance à une nation, mais à cause de cet événement mémorable de la division des langues qui arriva de son temps. On ne doit point être surpris que Nébrot ait vécu jusqu'à la fondation de Babylone et à la confusion des langues, car de ce qu'Héber est le sixième, depuis Noé, et Nébrot seulement le quatrième, il ne s'ensuit pas que Nébrot n'ait pas pu vivre jusqu'au temps d'Héber. Lorsqu'il y avait moins de générations, les hommes vivaient davantage, ou venaient au monde plus tard. Aussi faut-il entendre que, quand la terre fut divisée en plusieurs nations, non seulement les descendants de Noé, qui en étaient les pères et les fondateurs, étaient nés, mais qu'ils avaient déjà des familles nombreuses et capables de composer chacune une nation. C'est pourquoi il ne faut pas s'imaginer qu'ils soient nés dans le même ordre où l'Écriture les nomme. Autrement, comment les 12 fils de Jectan, Autre fils d'Héber et frère de Phélec, aurait-il pu déjà faire des nations, si Jectan vint au monde qu'après Phélec, puisque la terre fut divisée à la naissance de Phélec? Il est donc vrai que Phélec a été nommé le premier, mais Jectan n'a pas laissé que de venir au monde bien avant lui. En sorte que les 12 enfants de Jectan avaient déjà de si grandes familles qu'elles pouvaient être divisées chacune en leur langue. On aurait tort de trouver étrange que l'écriture en ait usé de la sorte, puisque dans la généalogie des 3 enfants de Noé, elle commence par Japhet, qui était le cadet. Or, les noms de ces peuples se trouvent encore aujourd'hui en partie les mêmes qu'ils étaient autrefois comme ceux des Assyriens et des Hébreux, et en partie ils ont été changés par la suite des temps, tellement que les plus versés dans l'histoire en peuvent à peine découvrir l'origine. En effet, on dit que les Égyptiens viennent de Mesraïm, et les Éthiopiens de Chu, deux des fils de Cham, et cependant on ne voit aucun rapport entre leurs noms actuels et leur origine. À tout considérer, on trouvera que, parmi ces noms, il y en a plus de ceux qui ont été changés que de ceux qui sont demeurés jusqu'à nous. Note. Les avis, dit un habile commentateur de la Cité de Dieu, Léonard Coquet, sont partagés sur la question de la division des langues dans leur chronique, nommée Seder Olam, c'est-à-dire ordre des temps. Les Juifs placent l'époque de la division des langues aux dernières années de la vie de Phélec, 340 ans après le déluge, 10 ans avant la mort de Noé. Maintenant, pourquoi Héber donna-t-il à son fils le nom de Phélec, qui signifie division? C'est qu'il possédait le don de prophétie et lisait la prochaine division des langues dans l'avenir. Tel paraît être le sentiment de Saint Jérôme en son livre des traditions hébraïques, et Saint Chrysostome abonde dans le même sens. Homélie 30 sur la Genèse. Chapitre 12. Du progrès de la Cité de Dieu, à partir d'Abraham. Voyons maintenant le progrès de la Cité de Dieu, depuis le temps d'Abraham, où elle a commencé à paraître avec plus d'éclat et où les promesses que nous voyons aujourd'hui accomplies en Jésus-Christ sont plus claires et plus précises. Abraham, au rapport de l'Écriture, Genèse 11, 28, naquit dans la Chaldée, qui dépendait de l'Empire des Assyriens. Or, la superstition et l'impiété régnaient déjà parmi ces peuples, comme parmi les autres nations. La seule maison de Taré, père d'Abraham, conservait le culte du vrai Dieu et vraisemblablement aussi la langue hébraïque, quoique Jésus n'avait, Josué 24, 2, témoigne qu'Abraham même était d'abord idolâtre. De même que la seule maison de Noé demeura pendant le déluge pour réparer le genre humain, ainsi, dans ce déluge de superstition qui inondait l'univers, la seule maison de Taré fut comme l'asile de la Cité de Dieu. Et comme, après le dénombrement des généalogies jusqu'à Noé, l'Écriture dit « Voici la généalogie de Noé, Genèse 6, 9, de même, après le dénombrement des générations de Sem, fils de Noé, jusqu'à Abraham, elle dit « Voici la généalogie de Taré. Taré engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et mourut du vivant de son père Taré, au lieu de sa naissance, au pays des Chaldéens, Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarah, et celle de Nacor, Melka, fille d'Aran, Genèse 11, 27 à 29. Celui-ci eut aussi une autre fille nommée Jeska, que l'on croit être la même que Sarah, femme d'Abraham. Chapitre 13. Pourquoi l'Écriture ne parle point de Nacor, quand son père Taré passa de Chaldée en Mésopotamie? L'écriture raconte ensuite comment Taré avec tous les siens laissa la Chaldée, vint en Mésopotamie et demeura à Kara. Mais elle ne parle point de son fils Nakor, comme s'il ne l'avait pas emmené avec lui. Voici de quelle façon elle fait ce récit. Taré prit donc son fils Abraham, Lot, fils de son fils Haran, et Sarah, sa belle-fille, femme de son fils Abraham, et il les emmena de Chaldée en Chanaan, et il vint à Chara où il établit sa demeure. Genèse 11, 31. Il n'est point ici question de Nakor ni de sa femme Melka. Lorsque plus tard Abraham envoya son serviteur chercher une femme à son fils Isaac, nous trouvons ceci. Le serviteur prédit Chameau du troupeau de son maître et beaucoup d'autres biens, et se dirigea vers la Mésopotamie, en la ville de Nakor. Genèse 24, 10. Par ce témoignage et plusieurs autres de l'histoire sacrée, il paraît que Nakor sortit de la Chaldée, aussi bien que son frère Abraham, et vint habiter avec lui en Mésopotamie. Pourquoi l'Écriture ne parle-t-elle donc point de lui, lorsque Taré passe avec sa famille en Mésopotamie, tandis qu'elle ne marque pas seulement qu'il y mena son fils Abraham, mais encore Sarah, sa belle-fille, et son petit-fils Lot? Pourquoi, si ce n'est peut-être qu'il avait quitté la religion de son père et de son frère pour embrasser la superstition des Chaldéens, qu'il abandonna depuis, ou parce qu'il se repentit de son erreur, ou parce qu'il devint suspect aux habitants du pays et fut obligé d'en sortir, afin d'éviter leur persécution. En effet, dans le livre de Judith, quand Holoferne, ennemi des Israélites, demande quelle est cette nation et s'il lui faut faire la guerre, voici ce que lui dit Achior, général des Ammonites. Seigneur, si vous voulez avoir la bonté de m'entendre, je vous dirai ce qui en est de ce peuple qui demeure dans ces montagnes prochaines, et je ne vous dirai rien que de très vrai. Il tire son origine des Chaldéens, et comme il abandonna la religion de ses pères pour adorer le Dieu du ciel, les Chaldéens le chassèrent, et il s'enfuit en Mésopotamie, où il demeura longtemps. Ensuite leur Dieu leur commanda d'en sortir, et de s'en aller en Chanaan, où ils s'établirent, etc. Judith 5, 5 à 9. On voit clairement par là que la maison de Taré fut persécutée par les Chaldéens, à cause de la religion et du culte du vrai Dieu. Chapitre 14. Des années de Taré, qui mourut à Kara. Or, après la mort de Taré, qui vécut, dit-on, 205 ans en Mésopotamie, l'Écriture commence à parler des promesses que Dieu fit à Abraham. Elle s'exprime ainsi. Tout le temps de la vie, de Taré à Kara fut de 205 ans, puis il mourut. Genèse 11, 32. Il ne faut pas entendre ce passage comme si Taré avait passé tout ce temps à Kara. L'Écriture dit seulement qu'il y finit sa vie, qui fut en tout de 205 ans. On ignorerait autrement combien il a vécu, puisque l'on ne voit point quel âge il avait quand il vint dans cette ville. Et il serait absurde de s'imaginer que dans une généalogie qui énonce si scrupuleusement le temps que chacun a vécu, il fut le seul oublié. Cette omission, il est vrai, a lieu pour quelques-uns. Mais c'est qu'il n'entre point dans l'ordre de ceux qui composent la série de générations depuis Adam jusqu'à Noé, et depuis Noé jusqu'à Abraham. Il n'est aucun de ces derniers dont l'Écriture ne marque l'âge. Mark M. Dan, archive.org, 2019. D'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.